Seconde Corinthiens chapitre 13. C'est ici la troisième fois que je viens à vous, en la bouche de deux ou de trois témoins toute parole sera confirmée. Je l'ai déjà dit, et je le dis encore, comme si j'étais présent pour la seconde fois, et maintenant étant absent, j'écris à ceux qui ont péché auparavant, et à tous les autres, que si je viens encore une fois, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez la preuve que Christ parle par moi, lequel n'est point faible envers vous, mais qui est puissant en vous. Car quoiqu'il ait été crucifié par infirmité, il est néanmoins vivant par la puissance de Dieu, et nous aussi, nous souffrons diverses infirmités à cause de lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance que Dieu a déployée envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes en la foi, éprouvez-vous vous-même, ne vous reconnaissez-vous point vous-même, savoir, que Jésus-Christ est en vous, si ce n'est qu'en quelque sorte vous fussiez réprouvés. Mais j'espère que vous connaîtrez que pour nous, nous ne sommes point réprouvés. Or je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous soyons trouvés approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bon, et que nous soyons comme réprouvés. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. Or nous nous réjouissons si nous sommes faibles, et que vous soyez forts, et même nous souhaitons ceci, c'est à savoir, votre entier accomplissement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que quand je serai présent, je n'use point de rigueur, selon la puissance que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, et non point pour la destruction. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à vous rendre parfaits, soyez consolés, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, et la charité de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Amen.